rappelle la loi dans le désert. Comme un écho du feu autrefois. Car ce qui a été gravé au Sinaï doit rester vivant dans nos voix. La peur avait saisi le peuple. Il demandait un médiateur. Mais tu appelais déjà leur cœur à marcher sans détour dans la crainte et l'honneur. La loi rappelle la grâce ancienne. Ta loi vient garder nos pas, pas nous enfermer dans la peur. Car tu nous as sortis d'Égypte avant de parler à nos cœurs. Ta loi vient garder nos pas comme une lumière dans la nuit. Car la liberté sans vérité retourne vite à nous.